Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Au-dessus des lois et des noises, loin des cœurs moises, il tient et bon doux fragile. Ça dure vite, tragique, à trop de vitrages. Au bord du gouffre, à la vie s'endurcit. Mes larmes sud quand sa peine se propage en moi-même. Tout va mal, j'étouffe, la douleur m'amène plus près d'elle. Perd la patte, but, peur te retrouver chez Pradel. Trempé dans les pleurs et implorer son cœur à faire si. Scène pire qu'un piercing, en plein cœur, elle sème la graine et lui enseigne les bases de la vicelle. Des soldats et essaie du mieux qu'elle peut d'éduquer ses enfants seuls. Maman serait toujours là dans tes pires moments. Je te dirai jamais non, même à ton firmament. Oh, maman, ici ou partir, survivre aujourd'hui. Béni soit cette nuit où je rêve de toi, dans ses bras, ou ma reine. Son fils, si petit, a grandi, mûri. Le paradis s'est déposé sous tes pieds. Que Dieu t'accorde la paix par pitié. Oh, je suis dégoûté de te mentir au téléphone, mais d'écouter les formes de reproches en quantité énorme, ça me rabaisse. Ouais. Mais y'a que la vérité qui blesse, et dans ma cabesse, le soir y'a que les idées noires qui restent. Je dois t'avouer, le ventre noué, que tu es ma bouée. Je t'ai poussé à bout, mais tu sais que ma vie t'est vouée. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à t'offrir, maman. Vu que dans ma zik, j'suis pas encore au firmament. J'ai conscience que j'suis pas le fils que tu mériterais. Et si j'avais la force, je te jure que j'y mettrais un trait. Mais j'lâche trop souvent l'affaire, j'préfère m'enfermer. Dans la boisson, c'est là que dans mon cerveau l'enfer naît. Tu t'es battu sans aide quand papa nous a enlevé au bled. T'as tout fait pour qu'il cède, je sais que c'est tes raids, fils indigne. Aux yeux des autres, c'est le seul signe que je renvoie. J'espère l'atténuer avec ces lignes que je t'envoie. Ici ou partir, tu vis aujourd'hui. Béni soit cette nuit où je rêve de toi, dans ses bras, ô ma reine. Ton fils, si petit, a grandi, mûri. Le paradis se déposé sous tes pieds. Que Dieu t'accorde la paix. À chaque pensée nostalgique, c'est trop de larmes en cachette. À chaque départ tragique, c'est la tristesse qui me chuchote. Bouquet de chrysanthèmes, le destin m'a mis dans le pétrin. Je te parle de mes proches qui ont rendu l'antenne. Bien portant de surface, mes cœurs en quarantaine. Dur d'enterrer la rengaine. Sème la graine, n'est pas dur, c'est lui qui mange le blé. Nique sa mère la mort. J'ai vu la souffrance emporter la mienne. Les larmes au coin des yeux, je traverse la pente, le cœur tremblant. De l'extérieur, je fais le courageux. Les larmes au coin des yeux, je traverse la pente, le manque me hante. De l'extérieur, je fais le courageux. À croire que Dieu n'a pas inventé mes voeux. Intempéries, précipitations orageuses. Yo, je suis de ceux qui montent toujours leur joie de vivre. À quoi ça servirait de se foutre une balle où j'étais dans le vide, dire que j'ai vu le pire et pas encore le meilleur. Ça, je sais pas, non. J'ai pas demandé au Seigneur. Seigneur. Musulman et qu'un frère, l'histoire de ma vie tu m'as appris. Femme pure, tu nous as élevés, éduqués seuls, contre vents et marées. Diva de mon âme, tes coups de latte m'ont forgé un mental dur comme ton parcours. J'ai juré sur ta tête, je l'avoue, mais sincèrement, néné, je te love.